je me demande encore si tu m'aimes, si tes sentiments pour moi sont les mêmes, si je ne suis qu'un souvenir du passé que tu as déjà oublié. Moi je n'ai qu'un seul amour et c'est toi. Hier, aujourd'hui et toujours, tu es là comme un soleil dans mes nuits qui redonne un sens à ma vie. Est-ce que tu es seul ce soir? Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Même si la vie nous sépare, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. A pris ma place dans tes nuits, ne le dis jamais en face, je t'en prie. Pour moi il n'est pas trop tard pour recommencer notre histoire. Est-ce que tu es seul ce soir? Est-ce que ton cœur a envie de pas, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Est-ce que tu vis chaque jour comme moi avec le mal d'amour, en rêvant chaque instant de revivre comme avant? Dis-moi, est-ce que tu es ce soir. El tema en directe que escoltàvem, seguim a Hola la Música recordant cançons, i en aquest cas des de el 1988 va començar a cantar als anys finals dels anys 60. La seva música sempre s'ha dit que entronca amb el millor de la música francesa, però el seu segell personal el donava les influències sobretot del folk nord-americà, de la banda més californiana, Nickel Kepard, Maxime Le Forestier. Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Endroit à l'endroit où il naît.

mais sache avant de tout briser que tout, tout, tout, tout, tout, tu es tout pour moi, tout ce que je te dois, tous mes rêves et ma voix, tout parle de toi. Ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant aujourd'hui c'est la nôtre. Cette avalanche, cette tempête qui souffle nos cœurs et nos têtes. Laisse-moi une chance encore, même si je sais tout de mes torts. Oh, tout, tout, tout, tout, tout, tu es tout pour moi, tout ce que je te dois, tous mes rêves. Que ens acompanya en diverses ocasions, Frederic François. Amb aquest nom hi ha hagut molta gent famosa, tant Frederic François Marsal, em penso que va ser president de la Tercera República Francesa. Crec recordar que en Chopin també s'ho deia, Frederic François Chopin, crec, eh? Ara parlo de memòria, o sigui, tampoc ho sé segur. És la segona cançó que escoltem d'ell, aquest Tout est tout pour moi, que acabem d'escoltar, eh? I des de l'Olímpia, d'aquí abans hem escoltat també una de les seves cançons, escoltem també una peça d'aquest cantant, de fet és italià, de parla francesa, però que viu a Bèlgica, a la part òbviament francòfona, Frederic François. El seu nom és Francesco Barracato, nascut a Sicília el 1950. Excel·lent músic i cantant, com heu pogut escoltar. És una de les peticions que ens ha adreçat diverses vegades a través del nostre canal de Facebook, Hola la Musique, jo dic així, i per tant escoltem aquest en directe a l'Olimpia, Jetem a l'Italien. Je t'aime à l'italienne. J'ai au fond du cœur une grosse... par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie. Quand résonne encore le bruit des verres du Kenti. Je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains. Et je vois tout rouge. Si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. L'histoire d'amour ressemble à la Dolce Vita. J'ai loué pour un soir tous les violons de la Scala. Il y a sur tes lèvres un peu de Fellini Roma. Et moi dans mes rêves, j'ai des envies de vendetta. Oh, oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Sur un grand bateau, parti pour la. Un bar à gâteaux faisait de la musique. J'ai gardé de lui l'amour des barcaroles et le souvenir de ses paroles. Oh, oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Je parle avec les mains et je vois tout rouge. Si tu parles à quelqu'un, je te veux jalouse plus longtemps qu'un refrain. L'amour italien te va si bien. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains et je vois. Si tu parles à quelqu'un, dans le vent du sud, me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Doncs així escoltàvem en directe amb aquest bon personatge, Frederic François, que ens ha acompanyat amb el nostre espai. Les dues properes propostes ens arriben a càrrec de l'excel·lent intèrpret que és Mylène Jean Gauthier, nascuda així el 1961, cantant de Pierrefonds del Quebec, i que es fa dir Mylène Farmer amb el seu de cara al públic. Escoltarem XXL i California. What's your message, I've got it. Thank you.

tu veux. Et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille ou claquer ton fric au jeu. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante. Comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Fête, fais la fête. Pour un amour, un ami ou un rien. Pour oublier qu'il pleut sur tes vacances. Chante, oui, chante. Et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête pour changer les traditions. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante. Doncs fins aquí al final el programa del dia d'avui de Olala Music, amb tot el món de la música en francès, que ens ha acompanyat a nosaltres amb aquests artistes. Avui escoltant, entre molts altres, a Frédéric François, a François Hardy, a Milen Farmer, a Claude François, i aquests personatges darrers, Michel Fauguin, amb aquesta cançó, i en Paul Persson, des del 1994, ens acomidem. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins al proper, espero que estigueu aquí a l'altre costat de la ràdio, i no ho dubtem, busqueu-nos amb els nostres canals socials, i deixeu-nos el vostre missatge amb les peticions, artistes, cançons, estils musicals, el que vulgueu. A reveure, fins a la propera. Et la nuit au jour, tout ce qui dort se métamorphose. Faut dire qu'à se barrer, se fait déjà tard. L'idéal, c'est nulle part. Cœur en attente, juste d'essentielles choses. Pas que de haine. Pas que de haine. Faudrait voir à penser au oh. trop jaloux.